Regarde-moi, regarde qui je suis. Regarde-moi, mon portrait, le voici. Un enfant sale, tout barbouillé de nuit. Mais dans ma nuit à moi, il n'y a pas d'étoile. Sur moi, l'ombre s'étale et rien ne lui nuit. Toi qui m'aimas, qui éclaira ma vie, oh, toi qui m'aimes, même encore aujourd'hui. Regarde-moi, regarde qui je suis. Su que noircir ce qui était bleu. Regarde ma bouche qui ne sait que trahir les mots qu'elle touche. Regarde mes mains qui n'ont jamais rien construit. Rien. Rien. Écoute-moi. Va-t'en, je t'en supplie. Oui, laisse-moi, je vais gâcher ta vie, te faire mal, et j'aurai tout détruit. Car ton regard, si pur de tout reproche, est le seul. Le seul miroir où je ne sois pas trop moche, où je puisse encore me voir. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi.